Aujourd'hui, on reçoit Brice Leverdez, ancien numéro 1 français et 9 fois champion de France en simple homme. En avril 2023, il décidait de prendre sa retraite de joueur professionnel et d'aller vivre en Indonésie. On a parlé avec lui de ce grand changement dans sa vie, de ses débuts en tant que coach au sein de son académie, de son regard sur le niveau du simple homme actuel et, bien évidemment, de sa carrière. Tout ça, c'est dans le nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et donc, on reçoit aujourd'hui Brice Leverdez. Salut Brice, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à vous deux, Benoît et Ewan. Ça fait plaisir d'être sur le plateau de 21 Shuttle. Et je suis donc, comme d'habitude, avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Brice. Alors, Brice, une première question, c'est... Déjà, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu que tu avais pris ton départ à la retraite de joueur professionnel en avril 2023. Je pensais que c'était il y a quelques mois, mais c'est passé super vite. Donc, ça fait déjà plus d'un an et tu as quand même pas mal de recul. Comment ça va, en fait? À quoi ressemble ta vie depuis que tu n'es plus joueur professionnel? Ben, ma vie, ça a été un tournant, un nouveau départ, entre guillemets. Après, j'avais déjà pas mal travaillé sur ce que je voulais faire ensuite. Je m'étais pris quand même pas mal de temps en avance, au moins un an en avance. Et du coup, je suis parti assez rapidement de France pour aller vivre en Indonésie, à Bali. Et j'avais déjà commencé à faire du coaching, que ce soit en ligne ou en présentiel, et monter une plateforme sur internet avec des tutoriels vidéo, que ce soit technique, tactique, physique, mental, mindset, pour permettre en fait au plus grand nombre de joueurs d'apprendre ce qui moi a permis de révolutionner ma vie et mon jeu. Et c'est pour ça que je l'ai appelé ce programme Badminton Révolution. Et donc depuis un an et demi maintenant, je me focalise sur ça et l'organisation de stages d'entraînement. Alors au départ, j'ai tenté stage d'entraînement collectif. Après, j'ai tenté stage d'entraînement individuel. J'aime beaucoup ce format-là, mais je vais essayer de faire une combinaison des deux à l'avenir, entre individuel et collectif, pour répondre à la plus grande demande en fait. Et justement, tu es directement resté dans le badminton, du coup, avec, tu l'as dit, les entraînements que tu fais en ligne ou en présentiel. Est-ce que ça a toujours été sûr pour toi, ou est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, voilà, j'ai fait du bad quasiment toute ma vie, je vais peut-être faire autre chose? Ah, justement, c'était des grosses questions que j'avais avant de prendre ma retraite de joueur, hein, du coup. Et j'avais à l'époque acheté un programme en ligne d'Américains. Et ils te faisaient poser des questions ultra profondes sur ce que tu avais envie de faire dans la vie. Ça parlait notamment avec le concept d'ikigai japonais, où en gros, tu dois aligner un petit peu tout ce que tu as envie de faire, là où tu es compétent, là où tu te sens bien. Et tout ça, ça te crée un point central qui s'appelle l'ikigai. Et du coup, j'avais répondu à toutes ces questions qui te retournent un peu parce que tu n'as pas l'habitude de te poser ces questions-là. On se pose souvent des questions, mais qui sont plutôt en surface et on ne va pas chercher très profond en nous. Et donc, quand on écrit, quand on se pose ces questions-là, on se rend compte de choses qui sont beaucoup plus claires du coup. Et c'est ça qui m'a vraiment... permis de comprendre que j'avais vraiment envie de transmettre ce que j'avais appris. De toute façon, il y avait eu un déclic déjà quelques années avant, parce que pendant ma carrière, jamais je me serais vu entraîneur de badminton. Je m'étais toujours dit que je voulais faire autre chose, que j'aimais pas donner des conseils. Et puis à un moment, vers les 32-33 ans, je crois, j'ai eu un petit déclic qui a d'ailleurs été le début de la fin, entre guillemets, pour moi, parce que j'ai commencé à aimer donner des conseils et à vouloir donner des conseils tout le temps. Et du coup, ça... J'avais plus la même hargne sur le terrain, j'avais plus la même combativité non plus. J'étais passé dans un autre mode j'avais l'impression, et donc je prenais beaucoup de plaisir à transmettre, à donner des conseils, à apprendre aux personnes et voir le changement chez eux. Et du coup, après, quand je me suis posé ces questions, évidemment, ça s'est rentré en compte. Et en plus, c'est un domaine où je suis assez expert quand même. Et donc, entre cette expertise que je peux avoir sur le cours, cette pédagogie que j'ai pu apprendre, que ce soit à travers la formation de BE, même si franchement j'ai pas appris grand chose à travers cette formation là mais c'était à travers la formation de Bertrand, tout simplement, mon mentor, qui m'a appris d'une façon hyper pédagogue et qui m'a appris beaucoup de leçons aussi à travers cet enseignement. Et c'est ce que j'essaye aussi de mixer avec tout ce que moi je peux avoir d'ADN, entre guillemets, le côté psychologique, mindset, mental que j'ai toujours eu en moi et que j'ai aimé développer dans ma carrière en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en lisant des livres. Tout ça, ça fait une combinaison de j'ai envie de vivre à Bali et j'ai envie d'aider les personnes. Et dans un premier temps, en fait, je voulais rendre à la France ce qu'elle m'avait aussi apporté, parce que comme on disait un peu en introduction, même si c'était pas enregistré tout à l'heure, oui, il y a eu des problèmes avec la fédération, mais en soi, j'ai quand même été beaucoup aidé dans ma carrière, donc à travers la fédération, à travers la France en règle générale. Et du coup, je voulais d'abord rendre aux Français plutôt que de partir directement sur un programme en anglais à donner des stages avec que des joueurs étrangers, etc. C'était mon envie de transmettre aux Français dans un premier temps et de leur léguer un petit peu ce que j'avais appris. Et ensuite, je me tournerai vers l'international. Et quand tu parles du déclic que tu as eu à 32-33 ans, enfin, a posteriori, c'est peut-être facile à dire, mais là, en fait, avec tout ce que tu as fait comme travail sur toi pour savoir ce que tu voulais faire après, on a presque l'impression que c'était une reconversion naturelle. Est-ce que toi, ce changement de passer de joueur professionnel à plutôt dans le conseil, mais en restant dans le bad, ça a été quelque chose de naturel? Ça a été un soulagement? Est-ce qu'il y a eu des peurs d'arrêter sa carrière et de passer à autre chose? Les peurs, non, je n'ai pas vraiment eu. J'étais plutôt même pressé d'arrêter. Je pense que j'ai arrêté même un an trop tard. Parce que j'avais plus la hargne, vraiment plus du tout la hargne. J'arrivais plus à m'entraîner aussi dur avec les douleurs que j'avais au genou constamment. Quand j'étais sur le terrain, moi, j'avais moins envie de faire mal à mon adversaire. Donc, je pense que l'année était peut-être l'année de trop pour moi. Après, c'est pas grave, hein, ça m'a permis de quand même passer de bons moments sur cette année-là. Mais j'étais très heureux de passer à autre chose. Par contre, c'est juste que la fin, quand même, quand tout s'arrête du jour au lendemain, tu te dis ah ouais, il y a un vide. Même si j'avais préparé l'après, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de passer de joueur à jouer, à s'entraîner, à avoir une routine, à s'entraîner tous les jours, à faire des compétitions, à rencontrer des personnes que tu apprécies dans les tournois, des joueurs qui sont dans le même monde que toi, qui évoluent, qui ont les mêmes peurs, les mêmes pressions, etc. Et là, du jour au lendemain, t'as plus du tout cette routine. Donc, je m'étais dit aussi, tout de suite, il faut surtout pas que j'arrête le sport. Il faut que je me retrouve tout de suite une routine. Donc ça, j'ai vraiment été plutôt proactif là-dessus. C'est que je me suis peut-être laissé un peu aller pendant un mois et demi, le temps de préparer le déménagement de chez moi, le temps de préparer ma venue à Bali. Ensuite, à Bali, ça fait quoi, un mois où j'ai un mois et demi. Il y avait un peu de ma famille aussi qui était là, donc on en a profité. Et même pendant ce mois et demi, j'ai lancé en fait un défi sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus. Et je m'étais dit, allez, comme ça, je ne serai pas tout seul et ça va me forcer à le faire. Tous les jours, je devais faire des pompes et des abdos pour maintenir une forme physique. Et donc, j'ai maintenu ça pendant un mois. Et après, je me suis inscrit à une salle de sport et j'allais quasiment 4-5 fois par jour à la salle de gym pour maintenir une sorte de routine. En plus, j'en ai besoin, moi, pour travailler, j'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin d'avoir dépensé de l'énergie. Ça me donne de l'énergie, bizarrement. Et voilà, aujourd'hui, c'est très simple. J'arrive à largement faire mon sport sans me forcer et ça me fait du bien. Oui. Mais j'ai vu que tu avais fait récemment le marathon pour tous des JO, donc c'est que tu as gardé un niveau de forme assez impressionnant quand même. Ouais, bah c'était en plus c'était pas forcément prévu parce que j'avais gagné mon ticket quand j'étais encore en carrière sur un 5 km à Paris avec Eliud Kipchoge là. Et en fait, ouais, j'ai commencé à vouloir m'entraîner pour le marathon au mois de février, mais le problème c'est que j'avais fait pas mal de musculation, donc j'avais pris un peu de muscle et c'est pas bon pour la course. Et au mois de février, je commence à courir, premier entraînement, bam, blessure au mollet. Je cours avec mes anciens running que j'avais du temps du bad, si tu veux. Et donc, première blessure, j'attends une semaine, deux semaines, j'attends que ça passe. Je recours, bam, re-blessure sur l'autre mollet. Je fais putain, c'est pas possible. Troisième fois, re-blessure sur le premier mollet. Je fais bon, bah, je crois que je vais pas réussir à m'entraîner, je vais arrêter parce qu'on était à moins de 3, ouais, on était à 3 mois pile du début du marathon. Et j'avais pas couru du tout depuis la fin de ma carrière. Donc là, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et ça a été le jour et la nuit. Le déclic. Du coup, j'ai recouru, aucune douleur. Et puis bah, après, j'ai fait le programme pendant 3 mois comme un malade. Je suis un programme où il y avait 4 à 5 entraînements par semaine. Donc ouais, là, je me suis vraiment entraîné. J'ai perdu du coup le muscle que j'avais gagné en muscu et j'ai gagné en cardio. Bah, à tous les coureurs qui nous écoutent, ou même à tous les badis, du coup, faites attention aux chaussures que vous avez. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de blessures qui viennent de là. Je voulais te poser une question sur encore ton académie et le coaching que tu fais, parce que un bon joueur, ça fait pas forcément un bon entraîneur. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as dû apprendre à entraîner? Est-ce que par exemple des fois tu es frustré, t'as pas des frustrations de voir que les personnes n'arrivent pas à faire ce que tu expliques ou ce que toi tu arrives à faire? Comment t'as vécu ce début de coaching, même si comme tu le dis, tu t'avais déjà un peu commencé avant d'arrêter ta carrière? En fait, je l'ai très bien vécu parce que j'avais déjà un petit peu entraîné et aussi au fur et à mesure de ma carrière, quand même, j'ai gagné beaucoup en patience et aussi j'ai vraiment appris à force de me former que chaque personne est différente, que une personne va apprendre plus vite un coup, l'autre va apprendre plus vite un autre coup. Et la personne qui a appris plus vite le premier coup va apprendre moins vite un deuxième coup que la deuxième personne va apprendre plus vite. Donc en fait, chacun apprend à son rythme avec des méthodes des fois différentes, que ce soit de la psychologie ou de la visualisation ou de. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Nos sens rentrent en compte dans la formation. Et tout ça, faut prendre son mal en patience et essayer de trouver. Moi, je prends beaucoup de plaisir à essayer de trouver ce qui va fonctionner chez une personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus visuel? Est-ce que si je lui montre, il y arrive? Est-ce que si je lui prends son bras et que j'effectue le mouvement et lui, il le sent? Il sent le feeling qu'il faut faire dans ses muscles, dans ses ligaments, etc. Il le sent, et ben il va le reproduire ou pas. Voilà, il y a le côté psychologique aussi de dire ben non, tu vas y arriver et t'inquiète pas, fais-le les yeux fermés et refais la même chose avec le volant sans te concentrer sur la précipitation, la vitesse, etc. Enfin, il y a plein de techniques que j'essaie de mettre en place et tout ça, vraiment, hein, c'est. Moi, je ne m'estime pas bon entraîneur. C'est les joueurs qui se font entraîner par moi qui doivent le dire. En fait, moi, je ne suis personne pour dire si je suis un bon entraîneur ou pas. C'est plutôt les commentaires que je peux avoir sur mon Trustpilot, sur là où les gens laissent des commentaires. C'est en parlant avec ces joueurs-là qu'on peut voir si j'effectue du bon boulot, en fait. Hein. Moi, le but, c'est que les joueurs arrivent à atteindre leur but, leur objectif. Et évidemment, un but, un objectif, c'est assez lointain. Mais déjà, sur une séance, savoir s'ils ressortent de la séance en ayant appris des choses. En ayant appris des choses, en ayant réussi des choses. Déjà, moi, ça me donne la chair des poules, des fois. J'adore ça. Je pense que les joueurs qui passent avec moi en entraînement, ils le sentent, ils le voient. Et ça joue aussi sur leur confiance en moi. C'est-à-dire qu'ils ont confiance que je leur donne le meilleur à chaque fois, en fait. Et du coup, tu parles pas mal des joueurs que tu peux entraîner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des one-shot? Est-ce qu'il y a un suivi sur le long terme? Est-ce que ça dépend aussi de ce que veulent les joueurs? Comment ça se passe quand on s'inscrit ou qu'on entre dans ton programme ou ton académie? En fait, l'offre, elle est divisée en trois pour l'instant. En gros, en deux pour l'instant, mais le troisième arrive. C'est que la première marche, c'est. Non, même en quatre. La première marche, c'est tout ce qui est gratuit sur les réseaux. Que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, c'est très rare que je passe dessus, mais Instagram, YouTube ou Facebook. Voilà, c'est les trois plateformes où il y a pas mal de choses gratuites. Ensuite, il y a le premier stade qui est Badminton Revolution à 18 euros, où là, tu as des centaines de vidéos tutoriels, plus les cercles privés une fois par mois, plus les réponses aux questions Facebook une fois par mois aussi. D'ailleurs, je viens de le faire juste avant de passer ici. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième, ça va être un suivi en ligne sur 3 mois, où là, ça va être que des exercices que je vais donner en vidéo en fonction du joueur. C'est-à-dire qu'on aura un premier rendez-vous onboarding, on va dire, un premier rendez-vous de connaissance, où là, il y aura une vidéo que moi, je vais regarder du joueur. Je vais poser des questions. Je vais regarder son niveau de jeu, je vais regarder ce qu'il devrait travailler de mon point de vue, on va échanger là-dessus. Et ensuite, c'est parti, donc il aura une feuille de route d'exercices à effectuer. Et chaque semaine, il m'envoie l'exercice, on fait un live ensemble. Moi, je corrige l'exercice sur le live. Lui, il repart avec soit le même exercice à faire avec les conseils que j'ai donnés pour améliorer ça, soit sur un autre exercice ou alors sur le même exercice mais avec une complication. Sur celui-ci et ça va être pendant 3 mois, donc chaque semaine exercice sur exercice sur exercice. Donc ça, je l'avais déjà effectué avec un de mes élèves pendant presque un an. Ça avait très très bien fonctionné avec Marc à l'époque, et donc là je le lance sur 3 mois pour essayer d'avoir plus de monde aussi qui rentre dedans. Et ensuite le troisième niveau, c'est vraiment là, venir avec moi en stage en individuel pour l'instant. Et là, bah, ça va évidemment beaucoup plus vite, hein, parce que c'est du tac au tac. Donc à chaque frappe, je leur donne des informations pour essayer de modifier leur coup pour qu'on se rapproche à chaque fois du coup parfait. Même si le coup parfait n'existe pas, mais en tout cas, les fondamentaux doivent être respectés. Une fois que tu as les fondamentaux, tes coups généralement ils sont très bons. Ensuite, il y a le détail, la finition qui est propre à chaque joueur. Et ça, c'est à eux de le sentir. Moi, je peux donner ma vision, ma suggestion, mais à ce niveau-là, ça devient plus une suggestion. Au départ, les fondamentaux, c'est une obligation. Ensuite, c'est de la suggestion. Et est-ce que cette académie, ça t'a donné envie de coacher à un niveau encore, par exemple, des joueurs pros? Par exemple, suivre un joueur comme Bertrand Gallet le faisait avec toi, ou alors bosser avec une fédération? Est-ce que c'est dans tes projets? En fait, la première chose que je voulais aussi après ma carrière, et ça pendant ma carrière, je l'ai bien compris aussi assez vite, c'est qu'à l'époque, c'était moi qui étais parti chercher Bertrand en demandant au club de Créteil si je pouvais rejoindre leur équipe. Donc ça, c'était quand j'avais 19 ans de mémoire à l'époque, ou 18 ans. Parce que c'était l'ancien numéro 1 français, parce qu'il entraînait, et donc j'ai voulu aller dans ce club-là pour m'entraîner avec le meilleur de l'époque. Et en fait, moi, une fédération qui vient me demander, déjà, j'ai pas forcément envie d'y aller, parce que pour moi, ça doit être aux joueurs. C'est la relation entraîneur-entraîné, ça vient d'une confiance, d'une envie du joueur de base de se faire entraîner par quelqu'un. Théoriquement, c'est pas à l'entraîneur d'aller chercher les joueurs, donc je cours après aucun joueur. J'ai jamais proposé à un joueur de venir s'entraîner avec moi. C'est tous les joueurs, en fait, ils viennent soit par le en ligne, soit ils me contactent directement pour avoir des séances avec moi, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et j'aime beaucoup cette approche parce qu'ensuite, il y a une vraie relation déjà de confiance qui est installée. Et c'est beaucoup plus facile pour moi en tant qu'entraîneur de faire passer mes messages que si j'arrive derrière dans une fédération où le DTN ou le président de la fédération m'a choisi, mais aucun joueur. En fait, je ne sais même pas si les joueurs sont contents que j'arrive et que je leur fournisse des conseils. Et donc, quand on commence comme ça, c'est beaucoup plus difficile derrière de faire passer ces messages et d'avoir une confiance du joueur, en fait. C'est tellement fusionnel, la relation que j'ai pu avoir avec Bertrand, que j'essaye de reproduire ça avec chaque joueur que j'ai. C'est vraiment avoir cette confiance des joueurs qui me choisissent en tant qu'entraîneur. Et ensuite, je pense qu'il y avait une autre question, mais j'ai oublié. Non, c'était ça, c'était une fédé ou un joueur. Tu as répondu à ma question. Et, et du coup, la deuxième question, c'était savoir si j'avais envie d'entraîner des joueurs de haut niveau. Et pour l'instant, en fait, moi, je suis très bien avec les joueurs que j'entraîne parce que pour l'instant, j'ai tellement voyagé dans ma carrière que j'ai pas forcément envie de revoyager tout de suite et je suis bien posé. Alors évidemment je vais revenir de temps en temps en France. Là tu vois, tu me posais la question aussi si j'aimais suivre les joueurs ou pas. Alors évidemment que oui, j'ai envie de suivre mes joueurs, mais la plupart ils sont en France, donc je vais essayer de revenir assez régulièrement en France, même si je suis à Bali, pour avoir un sorte de suivi sur du long terme et voir leur évolution, parce que c'est tellement plaisant de les voir sur une semaine exploser et puis derrière de voir que eux ça marche, leur message quand ils me disent putain j'ai réussi à mettre ça en place, ouais, j'ai senti une vraie différence, ça a fonctionné, et je sens que le suivi c'est quand même important. Parce qu'il y a certains joueurs qui vont réussir à intégrer rapidement des choses dans leur jeu, mais d'autres qui vont oublier quasiment en 4-5 jours. Et ce qui est normal, dans un premier temps, si tu rabâches pas les mêmes choses tout le temps, c'est difficile à mettre en place. Il y a deux trucs que j'ai noté, que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que tu disais, et je sais qu'avec Ewan, on a parfois la discussion, peu importe le niveau qu'on peut avoir, de pas sentir forcément toujours le fit ou la petite étincelle entre le joueur ou la paire et l'entraîneur. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, de dire que le joueur vient te chercher. Déjà, l'approche est pas la même que quand une fédé nomme un entraîneur pour tous ses joueurs sans qu'il y ait eu un choix, sans qu'il y ait eu concertation, sans qu'il y ait eu discussion. Et parfois, ça, même de notre regard d'observateur, on peut le sentir. Et je pense, ou en tout cas, je pense que c'est un axe de vraiment intéressant à développer pour certains joueurs et même pour certaines fédés. Et l'autre truc qui m'a marqué, mais parce que peut-être tu as été un joueur de haut niveau aussi, c'est la façon dont tu décris l'évolution de tes élèves ou de tes joueurs. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu en parles, peu importe le niveau qu'ils ont, mais la façon dont tu le vis, on sent que vraiment c'est hyper important pour toi. Ouais, bah moi, maintenant, je prends vraiment du plaisir à voir les autres réussir, en fait. Moi, c'est ça mon objectif, c'est que eux réussissent leurs objectifs. C'est, à chaque fois, c'est mon petit dicton, c'est mon objectif est de voir et de vous voir réussir votre objectif. Et je pense qu'ils le ressentent aussi, hein, parce que quand dans un entraînement, des fois, je suis là à répéter la même chose et le moment où ils font la frappe parfaite, et là je kiffe, je leur dis, tu vois, avec des mots des fois qui sortent comme ça, et donc ça sort du cœur et ils le sentent. Et pour revenir au côté fédération qui choisit, vous avez complètement raison. Il n'y a jamais de concertation. En tout cas, nous, à l'époque, il n'y avait jamais de concertation de la fédération sur les entraîneurs qu'on allait avoir. Et je pense aujourd'hui que c'est toujours le cas. Et ça crée de gros problèmes. Hein. Ce n'est pas une imagination que vous avez quand vous regardez les matchs de haut niveau et que vous voyez pas du tout de fusion entre l'entraîneur et l'entraîné. Et c'est un gros problème. Hein. C'est ce que voulait mettre en place à l'époque Bertrand quand il était entraîneur national. C'est que les entraîneurs des clubs qui ont formé les joueurs viennent le plus souvent possible à l'INSEP pour voir leurs joueurs. Et ils voulaient que les entraîneurs de clubs puissent aller sur les tournois aussi pour suivre leurs joueurs. En fait, c'était le joueur qui décidait. Bertrand avait dit, moi, je suis personne pour forcer un joueur à ce que je sois sur la chaise. Lui, il avait même dit, mais si le joueur ne me veut pas, mais je ne vais pas sur la chaise. Il n'y a aucun souci. C'est le joueur qui est le boss, entre guillemets. Donc, même s'il était à l'intérieur de la fédération, il n'avait pas du tout cet ancrage qu'ont la plupart des entraîneurs quand ils rentrent à la fédération, qui suivent les ordres et qui vont sur la chaise quoi qu'il en coûte, en fait, pour le joueur. Hein. Parce que moi, je leur disais aux entraîneurs fédéraux ou à la fédération, je leur disais, mais vous recherchez quoi, en fait, quand vous forcez un joueur à lui mettre un entraîneur? Parce qu'à l'époque, bon, vous savez, hein, je me suis pas mal battu pour avoir Bertrand sur la chaise, que j'ai jamais eu aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Que je l'ai eu très rarement. Il y a une fois où j'ai même forcé, je lui ai dit tu viens, on s'en fout. C'était au championnat d'Europe 2018, première médaille que je fais au championnat d'Europe. J'avais forcé, la fédération m'avait bien embrouillé après, mais bon, vu que j'avais fait médaille, ils n'avaient pas dit grand chose. Mais quand je te dis ça, quand je vous dis ça, c'est pourquoi déjà? C'est parce que oui, les entraîneurs personnel devrait être sur, enfin les joueurs devraient pouvoir choisir les entraîneurs qu'ils veulent sur la chaise. Et si à l'entraînement ils veulent avoir leur entraîneur de pôle ou de club qu'ils avaient aimé, bah pourquoi pas les faire venir de temps en temps à l'INSEP. Ils sont pas obligés d'être là 100% du temps, hein, c'est pas ce que je dis non plus, c'est pas remplacer les entraîneurs qui sont mis en place par la fédération, mais c'est travailler en équipe. Et moi la seule question à laquelle j'aurais voulu avoir une réponse pendant ma carrière de la part de la fédération, c'est que la fédération est déléguée par le ministère pour avoir le plus de performances possible à l'international, pour faire rayonner la France et rayonner les résultats de la France à l'international. Et donc je leur disais, c'est quoi votre but? Le but, c'est d'avoir votre entraîneur que vous avez choisi, vous, monsieur ou madame Intel, parce que vous voulez avoir une bonne image, ou c'est que vous voulez pouvoir dire au ministère et pouvoir dire aux Français, aux badistes qui vous suivent, que tel joueur a fait une médaille de bronze grâce à vous. Pas grâce à un entraîneur que vous avez choisi vous, mais grâce à, aux décisions que vous avez prises. Et il n'y avait aucune réponse, j'avais aucune réponse à chaque fois. En fait, je ne comprenais pas ça. Tu vois, pour moi, quand tu représentes la France, bah, tu dois vouloir le meilleur. Et ce n'est pas une question d'ego. Tu dois mettre ton ego de côté et c'est le joueur qui compte, parce que c'est lui au final qui est sur le terrain, c'est lui qui fait les résultats. Donc c'est à lui de s'entourer, ça se voit au tennis. Au tennis, t'as pas quatre joueurs qui ont le même entraîneur. C'est tous un staff personnel, c'est un sport individuel, donc tu devrais avoir ton staff à toi, hein, avec lequel tu te sens le mieux pour performer. Eddie Riner, c'est exactement la même chose, hein, au judo. Il a son entraîneur de club qui le suit, je sais pas moi, une, deux, trois fois par semaine, et il est à l'INSEP le reste du temps. Mais ça a été une bataille constante. Et aujourd'hui, malgré le fait que le père Popov entraîne ses enfants et que ça marche super bien, bah, on voit toujours pas d'amélioration avec les autres. Ceux qui sont à l'INSEP, alors il y en a qui décident de partir, on a vu avec Julien Maillot, moi je l'ai appris, hein. J'avoue que je ne suivais plus trop l'actualité française du haut niveau, mais j'ai appris que Julien, son partenaire William. William, Léa, ils sont tous partis de l'INSEP. Parce que bah, je pense que le système, ils en ont marre aussi. Ça arrive à un âge en plus où ils peuvent plus se le permettre, peut-être, de faire ça. Et c'est vraiment dommage pour le badminton français en règle générale. Bah justement, on avait une question, c'est marrant que tu en parles, on avait une question là-dessus. Avec toi qui a construit ta carrière en grande partie hors des structures fédérales, donc notamment beaucoup à Créteil, est-ce que tu as l'impression d'avoir ouvert la voie pour justement ce genre de pratique en France qui se fait beaucoup à l'étranger, mais pas trop avant en France, notamment les pop-off ou les autres joueurs et joueuses que tu viens de citer? Je pense que les pop-off, non. Je pense que le Thomas, le père, il n'avait pas du tout envie de laisser ses enfants à la fédération. Il voyait comment ça marchait et donc il a préféré les garder, mais je ne pense pas que j'ai ouvert quoi que ce soit. C'est plus que moi, j'ai peut-être mené des combats que lui, il n'a pas eu besoin d'avoir avec la fédération. Parce que lui, il a fait directement les Jeux Olympiques avec ses enfants, il a été sur les compétitions internationales où Bertrand n'a jamais pu faire ça. Mais ça, peut-être que ça commence à arriver, mais moi, je ne le vois pas encore vraiment. Je ne vois pas un entraîneur de club arriver à l'INSEP et entraîner, je ne sais pas moi, Arnaud ou Alex ou un des jeunes joueurs qui y est actuellement. Je ne vois pas ça, hein. Toujours pas. Aujourd'hui, en plus, je viens de voir le poste, là, comme quoi il y a une nouvelle équipe qui est arrivée à l'INSEP. Mais dans le poste, il n'y a à aucun moment le fait que les joueurs sont hyper heureux d'avoir tel ou tel entraîneur ou telle équipe. À aucun moment, ils parlent des joueurs. Ouais, bah c'est vrai que nous, on a parlé à Arnaud Merclé et Alex Lanier qui ont dit que ça se passait très bien avec Kestutis Navikas. Mais c'est entre guillemets un coup de chance, parce que ça aurait pu être totalement l'inverse aussi. Oui, complètement, oui. Mais après ça c'est avec Kestutis, c'est vrai que Kestutis, moi de ce que je vois de lui et avec avoir parlé avec lui, je sens qu'il est vraiment il a vraiment une envie, il montre un vrai professionnalisme dans ce qu'il fait et pour ça je pense que les joueurs ils le sentent et ça donne une confiance à l'entraîneur et voilà, ça donne des bons résultats aussi en simple homme. Après je parlais aussi avec Thomas la dernière fois, là, Thomas Rouxel, quand j'étais revenu en France, et lui il m'avait dit des choses, mais c'était choquant en fait de la part de la fédération. Je me suis dit bon bah ok, ça change pas trop quoi. Mais bon, je vais pas forcément en parler parce que c'est pas à moi de le dire, mais bon, voilà, ça change pas du tout au sein de la fédération ce qui se passe avec les entraîneurs qui recrutent. Ouais, on va pas non plus te lancer là-dessus, c'était pas l'idée, mais enfin, je pense qu'on a pas mal évoqué le sujet. On t'a aussi vu dans un autre domaine récemment aux commentaires pendant les JO. Déjà, comment t'as vécu cette expérience? Je le précise, mais nous, on a beaucoup aimé. Et est-ce que c'est un truc que tu te vois refaire? Ah ouais, franchement, c'était j'étais pas du tout préparé pour ça. Moi, de quelques jours avant, même je crois le jour avant de partir de Bali, j'entraînais encore sur le terrain, et donc je me suis pas vraiment préparé à commenter. Mais je me suis dit, bah de toute façon, je vais faire de l'entraînement en essayant de parler au grand public. Donc je vais faire un mix entre parler technique, tactique. Pour les aficionados, pour les joueurs qui aiment ça, et puis essayer de parler un peu plus grand public en expliquant au maximum dans les détails des trucs basiques pour que tout le monde puisse comprendre. Et j'ai adoré ça, en fait. J'avais l'impression de faire une séance indiv, sauf que je parlais dans un micro. Mais le problème que j'avais par contre, c'est que il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas trop de ralenti, je ne peux pas mettre pause, je ne peux pas faire de ralenti sur les images. Et du coup, bah, y a plein de trucs que je laissais passer parce que je n'avais pas le temps d'expliquer. Donc y a des fois, je prenais un peu de temps et puis j'avais de la chance. Souvent, en plus, j'ai eu de la chance, c'est que ça se passait dans les points qui arrivaient derrière. Je disais un truc technique ou tactique et bam, il le faisait deux, trois coups après ou le point d'après. Donc c'était assez marrant. Mais ouais, j'ai adoré cette expérience et j'ai vraiment envie de le refaire, j'espère peut-être Los Angeles 2028. Ah, peut-être que d'ici là, France TV ou d'autres chaînes, parce qu'il y avait Léa Palermo aussi sur Eurosport, et autant l'un que l'autre, c'était vraiment top, mais peut-être qu'il y aura des mondiaux sur des chaînes publiques, qui sait, à commenter. Ouais, peut-être l'équipe, ouais. Ils en passent du badminton, ils ont peut-être déjà leur consultant, je sais pas qui commente à l'équipe, s'il y en a d'ailleurs. Bah, c'est un commentateur, du coup journaliste qui commente tous les tournois du circuit qu'ils ont, mais il n'y a pas de... peut-être qu'il y a eu des consultants, mais vraiment, peut-être sur quelques tournois, mais pas la majorité de la saison sur les tournois qu'ils ont en tout cas. Ouais, ok, d'accord, je vois. Il faut espérer qu'un jour le badminton soit sur Canal+, parce que Canal+, tous les sports qu'ils ont, ça marche super bien, ils ont des super consultants, ouais. Et puis ils ont tout compris Canal+, hein. Ils font vraiment bien monter la sauce. Je suis beaucoup le MotoGP, moi, et ouais. Je vois l'évolution que le MotoGP a eue en quelques années, grâce à Canal notamment, mais c'est monumental. Ouais. Le bad, on a besoin d'une chaîne comme ça qui s'occupe de la communication, du marketing, parce que bah, le travail qui est fait par d'autres chaînes ou la fédération est très loin d'être idéal. Ouais, je pense que tu prêches des convaincus, mais malheureusement, Canal a choisi le paddle plutôt que le bad. Ouais. Ah ouais. Ah, mais bah tiens, c'est intéressant parce que toi qui t'intéresses à d'autres sports et à beaucoup d'autres choses que le badminton, et je vais te poser une question qu'avec Benoît, nous on s'est posé souvent aussi. Est-ce que tu trouves que les joueurs aussi ou les joueuses hein, font assez pour faire avancer le sport? Est-ce que tu crois pas qu'ils devraient communiquer plus, communiquer de différentes manières? Je pense notamment, c'est surtout en Asie et par exemple en Chine où c'est des codes différents, les joueurs se mettent moins en avant, ils parlent pas anglais, c'est de mieux en mieux maintenant, c'est un peu plus le cas, mais est-ce que tu penses que les joueurs font leur part entre guillemets? Les joueurs, enfin, franchement, sans vouloir les défendre, hein, je pense qu'ils font déjà leur maximum pour être à fond sur le terrain. Et si tu les drives pas, les joueurs, c'est difficile. Tu vois, moi, par exemple, qui n'étais pas du tout quelqu'un, enfin, qui n'est toujours pas du tout quelqu'un des réseaux sociaux, je m'y suis mis parce que voilà, je me force à y être. Ça fait partie de mon travail maintenant. Mais quand tu es joueur et que tu n'aimes pas forcément ça, bah, tu ne vas pas le faire de ton plein gré, en fait. Donc, il faut que tu sois drivé. C'est ce que fait très bien, je trouve, Canal+, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, l'organisation internationale là, qui organise les MotoGP. Mais tout ce qui tourne autour du MotoGP, c'est très, très bien fait, je veux dire. Ils vont voir les joueurs, ils ont les caméras prêtes, ils posent des questions, les joueurs sont au courant. Les joueurs savent que c'est très important pour eux-mêmes, donc ils jouent le jeu. Et ça se passe super bien, hein. Je pense pas qu'il y ait... Et ils ont des centaines d'interviews non-stop, hein. Je sais pas si vous regardez un petit peu. Il y a des interviews de part pour les pilotes de MotoGP. Il y a des parades, il y a plein de trucs qui sont faits pour mettre en avant justement les pilotes et le show autour du MotoGP. Et au BAD, ils devraient faire ça aussi. Mais je pense pas forcément que ça vienne des joueurs. Parce que les joueurs, en plus, il y en a pas mal qui communiquent bien sur les réseaux. Oui. Mais en fait, un réseau social d'un joueur ne va pas faire monter extrêmement la sauce du badminton. Il faut que ça soit vraiment un truc complet avec un média ou des médias qui relaient plein de choses de tous les joueurs en même temps. Ça, c'est intéressant. On voit que la BWF essaye de le faire, mais ça reste timide pour l'instant, effectivement, par rapport à ce qui se passe dans d'autres sports. À moindre mesure, mais ça se passe aussi au tennis. Guillaume et Djokovic, la Sinner récemment qui se fait choper en plus pour dopage. Tu vois les petits mots qui paraissent dans la presse et bam, ça part en fight derrière sur les réseaux. Et puis bam, du coup, ça remet de la sauce dans le moteur pour créer de l'émulation au sein du public. Et ça marche. Ça marche. Faut créer des tensions, faut créer de l'envie en fait. Donc faut créer du drama, tout simplement. Ouais, c'est ça, avec des personnalités fortes et ce genre de choses. C'est clair qu'au tennis, ça marche très bien, ça. Exactement. On avait une question sur... c'était un peu lié à ton expérience de commentateur, puisque du coup, tu as vu un peu la génération qui joue actuellement, notamment en simple homme. Et avec Benoît, on a un peu l'impression, je ne sais pas si c'est de la nostalgie ou pas, que le niveau du top 10, top 20 mondial, il a un peu diminué, je dirais, par rapport à ce qui pouvait se faire, par exemple, il y a 10 ans, quand toi, tu jouais et que tu as très bien connu. Par exemple, on se disait qu'il n'y a personne qui arrive à être assez régulier pour concurrencer Axelsen, qui lui est quand même assez monstrueux. Est-ce que tu partages un peu cette analyse? Comment tu vois l'évolution du niveau du simple homme en ce moment? Non, je pense que le simple homme s'est resserré en termes de niveau. Après, il y a peut-être un peu moins d'exceptions comme il y a pu avoir sur mon époque, on va dire, et peut-être sur certaines époques avant moi. Mais là, le niveau est tellement serré que tu prends un top 30, top 40, voire même top 50, ils sont tous capables quasiment de battre des top 10. Et ce qui fait que tu as moins de méga stars comme tu as pu avoir à l'époque, du top 10 qui était quasiment intouchable. Aujourd'hui, on l'a vu avec Alex, il gagne le Japan Open, le tournoi d'après, il perd au premier tour. Et ça se passe quasiment tout le temps maintenant. À part Axelsen, comme vous dites, qui arrive à encore emmagasiner les victoires, où ça s'est passé aussi avec Shiyuki de janvier au jeu, il a perdu un match. Et c'est vrai que c'est plus rare par rapport à avant. Après, est-ce que le niveau de jeu est moins fort? Je ne pense pas. C'est juste que le niveau de jeu général a sans doute augmenté. Du coup, chaque joueur peut battre un peu n'importe qui, alors qu'à mon époque, c'était vraiment très ancré. En fait, les classements, tu voyais moins des joueurs en dessous du top 15-20 battre des joueurs du top 10. Il faut dire que t'as pris une sacrée génération aussi de joueurs du top 5-10 quand toi, tu jouais, quoi. Ouais, après, c'était vraiment génial d'avoir cette génération. Je le regrette pas du tout. Ah non, j'imagine. Tu nous as offert une transition royale, mais on avait une question aussi du coup. Tu as parlé d'Alex Lagny qui venait de gagner le Japan Open, donc un Super 750. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième catégorie de tournoi la plus élevée, donc vraiment il y a tous les meilleurs joueurs au monde. C'est quoi ton regard sur le quatuor des frères Popov, d'Arnaud Merclé, d'Alex Lagné? Est-ce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui dans le top 40 mondial, tout le monde peut battre des top 10, mais est-ce que justement tu penses qu'un des 4 a le potentiel d'être top 10 mondial, voire mieux? Parce qu'on sait qu'entre en battre 1 ou en battre 2 sur une semaine et l'être régulièrement, il y a quand même un monde, peut-être pas, mais une grosse différence. Franchement, déjà, voir Alex gagner le tournoi, le Japan Open, c'était monstrueux. Franchement, ouais. J'y croyais pas. Personnellement, j'y croyais pas pour plusieurs raisons, mais il l'a fait. Donc, c'est franchement respect, grand respect. Bravo à lui. Et quand tu fais un tel résultat, c'est pas, c'est le tableau de chasse qu'il a pris en plus sur le Japan Open, c'était monstrueux. Donc c'est pas un match et il a perdu après, c'est il a enchaîné tous les mecs tour après tour. Donc là vraiment il a montré un niveau de jeu et une consistance sur tout un tournoi qui augure quand même largement le fait qu'il puisse aller chercher un top 10 dans les prochains mois. Ou les prochaines années au pire. Hein. Il n'a que 19 ans, donc je ne vois pas comment il ne peut pas aller chercher plus haut que... Là, il doit être 19 ou 20, je ne sais plus, je n'ai pas trop regardé, mais il est dans le top 20, je pense. Je ne vois pas comment il peut s'arrêter là. À son âge, il a encore tellement à progresser. En plus, il a tellement de choses où il peut s'améliorer, de mon point de vue, qu'il peut exploser de niveau encore. Les frères Popov, bah, pareil. Pour moi, ils sont encore largement assez jeunes. Je crois que Tommy doit avoir 25 ou 26. Moi, mon premier top 10, ça a été à 28 ans, je crois. Et lui, il a déjà quelques-uns au tableau de chasse. Donc, non, aucun souci. Christo, pareil. Arnaud, je crois aussi qu'il en a pété un ou deux de mémoire. Et il a largement le niveau pour. Maintenant, il faut qu'il soit plus régulier, Arnaud. C'est là où les frères Popov sont meilleurs. Et Alex, bah, là, vient de le prouver. En 3-4 mois, il a fait des tournois de fou. Donc, non. Après, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est que des exceptions, en fait. Pour l'instant, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a beaucoup d'exceptions et c'est beaucoup du simple homme qui arrive en exception. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas qu'un joueur de niveau des Popov ou de Alex ou de Arnaud aujourd'hui. On en a vraiment que 4 et les autres pour l'instant ils sont encore loin. Donc il y a des jeunes là, j'ai l'impression qu'ils arrivent encore très fort. Ils doivent avoir 14-15 ans et donc c'est encore 2-3 exceptions qui vont arriver. Mais on voit rien d'autre dans les autres tableaux quoi. Il n'y a pas de système du coup qui arrive à mettre en place des champions. Un système qui met en place un nombre de joueurs assez important pour avoir, je sais pas moi, en termes de niveau de jeu, 10 dans un niveau top 100. Entre 6 et 7 dans un niveau top 50. On n'a pas ça, à part en simple homme où tu as 2-3 exceptions, les 4 avec Alec, avec Arnaud, qui arrive à être à ce niveau-là, mais même à mon époque, on a réussi à être 4 dans le top 50. Hein. Il y avait Lucas, il y avait Thomas, il y avait Lucas Clairbout et moi. Ensuite, il y a Tommy aussi qui est arrivé assez vite. Donc, en fait, il n'y a pas énormément d'évolution. Là, les meilleurs classements, oui, ont évolué, parce qu'à l'époque, il n'y avait que moi qui avais été dans le top 30 de mémoire, et aujourd'hui, ils sont 3. Mais maintenant ouais ça serait bien qu'il y en ait plus qui arrivent à être dans le top 100, top 50 en fait, pour derrière aller chercher beaucoup plus de joueurs français en Super Series et donc beaucoup plus de chances d'aller loin. Bah, tu m'offres une transition parfaite parce que tu mentionnes le fait que tu étais le seul dans le top 30 et que maintenant ils sont 3. Est-ce que toi personnellement, tu aurais préféré être dans le contexte de maintenant, c'est-à-dire avec 2-3 autres Français qui sont un classement similaire au tien et vous vous battez pour toutes les places pour les JO, les places pour les mondiaux, par exemple pour les gros rendez-vous, ou alors tu penses que toi, tu étais quand même, même si tu t'as cité, il y avait 3 autres très bons joueurs derrière toi, mais tu étais un peu seul aux avant-postes, est-ce que tu penses au contraire que ça t'a aidé et favorisé ? Alors, non, je pense que ça m'a pas aidé d'être seul. Après, est-ce que j'aurais aimé changer ça ? Je sais pas. Je pense que sur le coup, tu es content quand tu es seul parce que tu as un peu moins de pression. Tu as toujours énormément de pression hein, parce que pour garder un niveau de résultat qui fait que tu restes dans le top 30, bah, c'est compliqué. Mais c'est vrai que là, ils se tirent tellement la bourre que tu as une pression de malade à chaque tournoi, entre guillemets. Ils sont tellement jeunes que peut-être c'est pas tant de pression que ça. Et puis ils sont bien entourés aussi, tu vois. Je parlais avec Thomas aux Jeux Olympiques. Et j'adore leur mentalité, en fait. Les frères Popov, ils se prennent pas la tête. Ils jouent pour s'amuser. Ça sent qu'ils aiment le bad. Ils vivent le bad. Ils dorment bad. Ils font tout bad. Et du coup, ça découle de source, en fait, chez eux. Et je pense pas qu'ils aient cette pression de se dire ah tiens il y a un Alex ou un Arnaud qui peut nous passer devant nous, qui va nous prendre notre place au monde ou au jeu. Je pense que c'est une bonne émulation qu'il y a et du coup ça peut donner de très belles choses parce que c'est une pression positive. Ouais, ça peut clairement les tirer vers le haut, mais on a quand même bien noté ce que tu disais parce que c'est vrai qu'on a tendance à Enfin, souvent dans les discussions, quand tu dis oui, il y a quand même 4 joueurs dans le top 50, et tu dis oui, mais derrière, dans d'autres tableaux, il n'y a rien, on a vite tendance à te traiter de rabat-joie, et je dis tu, mais c'est de manière générale, même quand nous on le dit. Mais parce qu'aussi, il faut savoir se contenter et se satisfaire des 4 joueurs qu'on a là, mais avoir le recul de se dire c'est 4 exceptions, et en fait, derrière, c'est une structuration qu'il n'y a pas, et je trouve ça assez intéressant que tu l'évoques avec forcément ton passé de joueur pro et ton regard plus aiguisé que le nôtre, mais c'est quand même important de le rappeler. Ok, on a 4 joueurs top 50 potentiels, peut-être top 25, top 30 tous les 4 aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'on a sur les autres tableaux, qu'est-ce qu'on a, et si on l'a pas, pourquoi? C'est parce que c'est des exceptions et qu'on n'est pas structuré, et ça, parfois quand on l'évoque ou qu'on ose en discuter, on peut avoir ce truc de ouais, mais les gars, vous êtes rabat-joie, apprenez à profiter de ce que vous avez. Oui, de toute façon, il y aura toujours des gens contents et pas contents avec ce que vous dites. Moi, je l'ai appris toute ma carrière, donc maintenant, je m'en fous un peu. En fait, je dis ce que je pense et après, je dis pas qu'il y a personne. En double, oui, évidemment, t'as Tom et Delphine, t'as le double dame qui marche super bien. Dommage, elles marchaient super bien avant les jeux. Elles ont fait un premier set d'anthologie au jeu et derrière, elles se sont mis un peu la pression, je pense. Elles ont surjoué et quand elles tombent dans leur travers comme ça, c'est plus du tout le même niveau de jeu. Mais donc, il y a quand même quelques paires qui jouent, mais c'est des exceptions encore une fois. À part Tom et Delphine en mix, il n'y a pas grand chose. À part les deux filles, Margot et Anne en double dame, il n'y a personne derrière, quoi. Personne derrière. Et en simple dame, on n'en parle même pas. Oui, c'est symptomatique, le simple dame de la structuration qu'on peut avoir en France actuellement. Et Brice, sur tu parlais de ta propre carrière. Nous, quand tu avais pris ta retraite, on avait fait un épisode où on revenait un peu sur ce que tu avais fait. Et quand on pensait à ton nom, ce que ça nous évoquait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que même dans un milieu où on parle quand même pas beaucoup dans le bad, t'hésitais pas à prendre la parole pour bousculer un peu les choses. Ta carrière sur le terrain, t'as battu plusieurs top 10 et on sait. C'est vrai qu'une fois que tu as réussi à battre les premiers, après, on te sentait souvent assez à l'aise, même contre des très, très gros joueurs. Et nous, on a l'impression un peu que tu as quand même tiré le simple homme du bad français vers le haut. Toi, comment tu la décrirais, ta propre carrière? Moi, je pense que j'ai été dans la lignée de ce qui s'est fait un petit peu avant moi. Et vu que c'était un peu plus médiatisé, le badminton à mon époque, et ça a permis de mettre les murs que j'ai cassés un peu plus en lumière. Et je pense que ça a aidé inconsciemment les jeunes générations, même si, tu vois, par exemple, les Popov me l'ont dit, et je crois qu'ils l'avaient dit aussi un peu en interview, que c'est quand ils m'avaient vu battre le numéro 1 mondial, ils se sont dit, ok, c'est possible de le faire. Donc je pense que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, mais je dirais que c'est un peu les générations d'avant aussi, tu vois, notamment avec Bertrand, hein. Bertrand, Erwin, qui passent deux tours au jeu, ça s'était jamais fait avant. La qualification qu'on avait fait avec Erwin et Simon en 2008, elle était tellement intense que j'ai appris énormément, même si je me suis pas qualifié. Et tout ça, en fait, ça a fait que derrière, j'ai pu aller chercher des résultats que les autres avant n'avaient pas fait. Mais eux avaient fait leur possible avec ce qu'ils avaient à l'époque, hein, parce que même pour revenir un peu avant, pour vous dire, moi depuis mon enfance, on m'avait toujours dit que jamais je pourrais battre des Asiatiques. C'était ça dans l'environnement dans lequel j'évoluais en joueur de badminton. J'étais blanc, j'avais aucune chance de battre les Asiatiques. Même les entraîneurs nationaux me le disaient. Donc quand tu as un environnement qui te prend comme ça au plus profond de toi, que tu entends toujours les mêmes discours, que oui, t'es fort physiquement, oui, tu te bats pour le court, mais les Asiatiques sont encore plus forts que toi, alors que c'était même pas vrai en plus physiquement. Franchement, je pense que j'étais à leur niveau, voire plus fort sur certains domaines. Tu sais, moi, une fois, enfin, vous savez, une fois en sortie de championnat d'Europe, j'avais déjà sorti cette anecdote, mais il y avait Philippe Limousin, le DTN de l'époque. Je sors du championnat d'Europe, je devais avoir 21-22 ans, et je joue contre Eric Pang, qui était numéro 2 hollandais à l'époque, qui était peut-être 20e ou 21e mondial. Premier tour, je prends Eric Pang et je perds 24-22 au troisième set, en ayant fait un match de fou. Et là, je sors du terrain, donc 1h20 de match ou 1h15 de match, et le DTN vient me voir, il me regarde mes cuisses, il me fait Ah, oh, t'as les trop petites cuisses, c'est pour ça que t'as perdu aujourd'hui. Là, quand on te dit ça, tu tombes sur la tête. Hein. Tu te dis, ah, mais t'es qui ? Et en fait, ça a été ça toute mon enfance et même jusqu'à très tard. Le seul vraiment qui a cru en moi et qui m'a toujours dit que j'y arriverais et qui m'a toujours dit que j'allais tous les péter, c'était Bertrand. C'est le seul. Dans tout l'environnement, mais même quand c'était pas un environnement de badminton, même quand c'était pas des entraîneurs français ou pas des joueurs français ou pas, parce que les joueurs aussi ça parle beaucoup, hein. Et, mais même quand c'était des gens qui n'y connaissent pas grand chose au badminton et qui juste entendent le fait que je suis joueur de pro de badminton, ils disaient ah ouais, oh, les Asiatiques ils sont trop forts, non, c'était ça tout le temps en fait le discours. Et au bout d'un moment, ça rentre au plus profond de toi et c'est difficile. C'est ce qui s'appelle les croyances limitantes que ton environnement t'enseigne depuis ta jeunesse ou ton éducation, c'est la même chose. Et bah ça, pour s'en défaire, c'est super dur. Et aujourd'hui, moi, la grande différence que je vois, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel entraîneur de club quasiment, il sait que c'est possible et jamais il va donner un discours comme ça à son joueur, à son élève. Et ça fait vraiment une putain de différence parce que ça se voit notamment chez Alex. Chez Alex, on sent qu'il a aucun respect pour les autres, mais pas aucun respect dans le sens mauvais, hein. Dans le sens où j'ai rien à faire en fait. Le mec en face, il a beau être bridé, il a deux jambes, deux bras comme moi, et le mec, il est sûr de lui, il va le niquer. Et bah c'est ça aujourd'hui la mentalité, je trouve, et c'est ça qui fait la grande force des joueurs de simple homme, notamment des quatre là qui marchent très fort. Et même les autres derrière, ils savent que c'est possible, ils savent que ça se fait, et donc il n'y a plus de mauvais discours en fait. Ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Ouais, mais c'est exactement la réflexion qu'on se fait quand on leur parle, notamment à ces quatre-là, c'est que ils ont pas trop de plafond dans leur ambition en fait, et c'est une bonne chose. Même quand ils font des matchs contre des gros joueurs top 10, top 5, où ils perdent et ils sont pas loin de gagner, bah ils se satisfont pas de ça, ils veulent toujours plus. Et je pense effectivement que ça aussi c'est clairement une avancée dans le simple homme français. Ouais, on se met plus de plafond en fait. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ce qui va permettre de pulvériser les derniers murs à franchir qui sont le top 10 et médaille mondiale ou Jeux Olympiques. Bah justement, tu as parlé d'un sujet que je trouve hyper intéressant. C'est en fait, c'est le fait que ce qu'on t'inculque ou ce qu'on te répète toute ta jeunesse, finalement le moment où tu apprends, où tu progresses le plus peut-être, et que tu finis par croire ce qu'on te dit, est-ce que ça, c'est un truc que tu changerais aujourd'hui si tu pouvais revenir sur ta carrière ? Genre, comprendre plutôt que, en fait, ces barrières... je ne sais plus comment, le terme que tu as utilisé, mais ces barrières limitantes... L'impuissance apprise. Voilà, c'est ça. Alors, les croyances limitantes, ouais, sont enseignées par l'impuissance qu'on t'enseigne. Ça s'appelle l'impuissance apprise, et c'est plus des techniques de neurosciences en fait. Et je m'intéresse beaucoup à la neuroscience parce que ça rejoint tellement tout ce que j'ai pu vivre dans ma carrière. Tu le lis à la biomécanique, en fait, toute la science, j'aime beaucoup la mettre aussi au sein de mes entraînements, parce que tu fais passer plein de messages et ça marche sur plein de trucs. J'ai trouvé d'ailleurs deux cheat codes, j'appelle ça, pour enseigner plus rapidement, pour que les joueurs comprennent très vite un coup technique. Bah, t'as des cheat codes comme ça qui existent grâce à la science. Et si j'avais pu savoir ça avant, bah oui, j'aurais été bien meilleur plus vite. Mais malheureusement, c'est ce qui fait la différence entre des joueurs d'expérience et des joueurs jeunes, hein, qui arrivent. Si t'as de la chance d'avoir eu des coachs ou des entraîneurs qui t'apprennent ça dès le plus jeune âge, bah évidemment, tu pars avec un gros avantage. C'est comme ça. C'est, en fait, tous les joueurs, quand ils ont plus d'expérience, on appelle ça, il l'a battu à l'expérience. Oui, parce qu'il a vécu plus de choses, il a compris plus de choses, il s'est formé peut-être plus sur d'autres choses aussi que juste l'entraînement badminton. Et ça, tu peux pas le remplacer quand t'es jeune. Donc, ça fait partie du jeu. Mais oui, si j'avais pu le faire à l'époque, je l'aurais fait plus, hein, mais voilà, t'as que 24 heures dans une journée, tu dois beaucoup t'entraîner au badminton, t'es très fatigué avec les entraînements, donc tu peux pas tout faire, en fait. pour ça que c'est important d'avoir un coach aussi, hein, d'avoir un entraîneur, hein, ouais, qui lui, bah, a plus de temps pour se former, a plus de temps pour essayer de comprendre ce qui pourrait te faire évoluer, alors que toi, tu es dans ta bulle et tu peux pas. C'est comme dans le business aujourd'hui, hein, dans le business en ligne, moi je dois tout apprendre de zéro quasiment, et bah, je prends des personnes pour m'accompagner, pour me former, je prends des cours pour aller plus vite en fait. C'est toujours la même chose, hein. Tu vas beaucoup plus vite quand tu es avec quelqu'un que tout seul. Hein. Et surtout quelqu'un qui a réussi, parce que lui, il connaît les codes, il a cassé certains codes. On voulait te demander si tu continuais à jouer au bad en dehors de ton académie, mais tu nous en parlais juste avant que ça enregistre, que tu avais fait récemment une sorte de tournoi des légendes à Singapour, et du coup tu nous disais, mais je voulais te relancer un peu là-dessus, que même sans jouer, enfin si j'ai bien compris, tu avais quasiment pas joué depuis que tu as arrêté ta carrière professionnelle, en tout cas tu t'es pas entraîné, et ben t'avais encore des petits restes en tout cas. Ah ouais, j'ai été surpris de mon niveau de jeu, parce que en plus c'était du double, donc c'est pas forcément là où je me suis le plus entraîné pendant ma carrière, même si j'en ai fait pas mal et je me suis quand même un peu entraîné dessus, mais j'avais un niveau de jeu, ouais, qui était assez fou, et même physiquement j'allais encore très très vite sur le terrain. Bon, ça m'a fait mal au genou, hein, du coup, parce que j'ai poussé peut-être un peu trop fort des fois, et ça a lancé tout de suite les fissures au cartilage, mais franchement je me suis régalé, et puis jouer avec je jouais avec moi, j'avais un ancien top 15 mondial, et en face de moi, en finale, on avait l'ancien champion olympique de Rio et un ancien top 14 mondial. Donc c'était un niveau de jeu qui était juste énorme, et on s'est régalé sur le terrain. On a fait 5 sets en 57 minutes, en 7 de 11, alors qu'on a 70 ans de moyenne, enfin on était à plus de 70 ans de moyenne. C'est énorme. Et la veille, j'avais joué contre Bounsak Ponsana, donc pareil, une ancienne légende, un peu plus vieux que moi, mais juste quelques années. T'as beaucoup croisé, je pense, sur la veille. Ouais, on s'est beaucoup croisé, on s'est beaucoup joué aussi avec Bounsak. Mm. Et puis la veille, c'était Tan Mulong, vice-champion olympique de mémoire, à Rio, je crois aussi, ou à Londres, ouais. Je ne sais plus, un des deux. Mais ouais, c'était fabuleux de pouvoir rejouer. Je pensais pas que j'allais autant apprécier ce moment. Mmh. Et en fait, tu retrouves tes anciennes habitudes, c'est fou. Ton corps, tu te réchauffes de la même façon. Ton mental, il est prêt au combat comme si t'avais 20 ans. Tu te mets la petite pression d'avant-match qui fonctionne bien pour le match. Enfin, t'as toutes tes petites routines, etc., qui reviennent. Ouais, t'as des sensations de fou, en fait. Et c'était assez sympa, ouais. Et là, j'ai vraiment réussi à me mettre dans un mode compétition aussi. J'étais pas dans le mode je veux donner des conseils ou je veux aider. Non, là, j'ai réussi à me mettre, parce que généralement, quand je joue contre mes élèves, voilà, là, j'étais là pour gagner et pour me faire plaisir et gagner. Mmh. Alors que quand je joue contre mes élèves, bah, c'est, en plus, il n'y a pas vraiment de joueurs d'un niveau suffisant pour que je puisse être dans ce mode-là. Mais la dernière fois, quand j'étais revenu en France, j'avais joué contre mon ancien sparring. Et en fait, contre lui, j'ai plus de mal à me mettre dans un mode compétition. Je me mets plutôt dans un mode chambreur et on s'amuse, quoi. Mais ouais. Et voilà, c'était hyper intéressant, hyper sympa. On a deux petites dernières questions. La première, elle m'est venue quand tu parlais, justement, tu disais que là, tu as joué en double, alors que c'était pas forcément, c'était pas ton tableau principal quand t'étais pro. Mais on se disait que, et en regardant ta page Wikipédia, tes stats, etc., t'as quand même beaucoup joué en double pour un joueur de simple. Je pensais notamment, je parlais à Benoît de la fois en Thomas Cup où avec Lucas Corvée, vous avez tapé les top 5 mondiaux de Taïwan. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux frères Popov qui, eux, sont quasiment les seuls joueurs de simple à jouer en double homme en même temps, et c'est avec des résultats pas forcément bons, mais eux, ils disent que ça leur apporte. Est-ce que toi, t'avais l'impression que jouer en double de temps en temps, ça t'apportait des choses sur ton tableau de simple, et du coup, est-ce que tu le recommanderais ? Alors déjà, vous avez une super mémoire, hein, parce que se rappeler de la Thomas Cup 2000 de mémoire, peut-être que vous allez être meilleur que moi en année, mais je crois que c'était 2014. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, en Inde, où on joue Taïwan en poule, ouais, et après on joue le Japon d'ailleurs, et c'est là où je bats mon premier top 10, Kenny Shitago, le lendemain. Mais en poule, c'était Chen Chenshu d'ailleurs, 21-19 au troisième, et 21-19 au troisième contre les Taïwanais, ou 21-17, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, grosse rencontre. Mais du coup, le double, en fait, pourquoi j'y ai joué, c'est parce que ça m'apportait pour mon jeu de simple, hein, clairement. C'est que, un, ça m'apportait de la fraîcheur mentale. Ça me faisait du bien de jouer en double. J'adore le, j'ai toujours adoré le double et je me suis toujours vu comme un joueur de double de base jouant en simple. Okay. Par contre, c'est vrai que des fois, si tu vas assez loin dans les tournois, bah, tu pêches physiquement. Hein, mais là, c'est pas leur problème aux frères Popov parce que, comme vous le dites, hein, pour l'instant, ils n'ont pas assez de niveau de jeu pour aller battre les meilleurs. Donc, généralement, ils s'arrêtent souvent premier tour ou deuxième tour. Mais ça ne les impacte pas physiquement. Donc, moi, je pense que si ça leur sert dans leur jeu de simple, c'est très bien qu'ils continuent. Parce que, en plus, c'est deux joueurs qui aiment mettre de la vitesse, notamment Tommy, qui aime bien, qui est très très fort à mi-court et smash. Et du coup ça lui met du rythme pour son jeu de simple. Christo, c'est pareil. Je pense qu'il peut apprendre en plus à être un peu plus patient sur le double, parce que il arrive à être patient en simple et en double je le trouve un peu moins patient, et je pense que ça peut lui servir aussi. De toute façon, c'est s'il joue en double, c'est que ça leur apporte quelque chose. Moi, je jouais pas non plus juste pour m'amuser, c'était parce que ça me servait dans mon jeu de simple où je voulais mettre de la vitesse pour empêcher les Asiatiques d'avoir du temps. En fait, je voulais prendre du temps au maximum sur les joueurs à chaque fois, donc c'était soit contre-attaque soit attaque. Attaque en mode rouleau compresseur plutôt qu'en mode smash à la Lidija à 500 km/h sur la ligne. C'était pas ça, moi, mon style de jeu. On a beaucoup parlé du coup de beaucoup de choses, de ton académie, du fait que tu avais commenté les jeux cet été. On a parlé du fait aussi que tu venais de jouer à Singapour un tournoi, bon, même si tu l'as dit toi, mais tu as dit de vétéran, mais de vétéran quand même de très haut niveau. C'est quoi les projets pour la suite? Est-ce que développer ton académie, je pense qu'on l'a compris encore plus que ce que c'est aujourd'hui, mais est-ce que, par exemple, jouer des championnats du monde vétérans, c'est des trucs auxquels tu penses, ou carrément d'autres projets en dehors du BAD qui sont envisagés pour les prochains mois ou les prochaines années? Pour l'instant, ma vision et ma mission, c'est des choses que j'avais écrites à l'époque quand j'avais pris la formation en ligne là, qui m'avait clarifié mon après-carrière. C'est vraiment lié au badminton, c'est de monter ma propre salle ici à Bali avec mon académie à l'intérieur aussi, et pour créer vraiment une salle avec une atmosphère un peu comme on peut retrouver dans certains clubs de tennis, dans les clubs de paddle aujourd'hui qui se montent, avec une vraie, comment dire, convivialité, une vraie communauté au sein de ce club, avec évidemment le badminton, un café, un vrai café où on peut rester après avoir joué, voir les joueurs jouer tout en prenant un verre, en mangeant, avoir une salle de fitness à l'intérieur de la salle de badminton parce que c'est lié, avoir une salle de recovery avec sauna et bain froid, avoir des vrais vestiaires, avoir de l'air conditionné. Ici à Bali, il n'y en a aucune salle qui a de l'air conditionné. Voilà, avoir une salle de meeting room aussi avec un grand écran pour pouvoir analyser les joueurs qui viennent s'entraîner, d'avoir des caméras derrière chaque terrain, faire des événements avec mes amis qui ont déjà des académies, que ce soit en Malaisie ou en Inde, ils ont déjà un peu leur ligue privée. On aimerait faire des ligues entre nous, entre guillemets privées, et créer une émulation pour essayer de soit faire bouger la BWF, soit créer une ligue à très long terme, hein, je parle hein, tout ça, mais c'est de la vision long terme, mais une ligue qui pourrait être un peu l'ATP d'aujourd'hui au tennis, ou se rapprocher de ce que fait la MotoGP, c'est-à-dire mettre le badminton comme un vrai sport de show et pas un sport où toutes les règles sont conditionnées à tel truc. Il faut surtout pas faire tourner sa raquette dans sa main, sinon on va se prendre un carton jaune. Il faut pas qu'il y ait un joueur qui ose regarder l'adversaire, sinon c'est pas bien. Tu vois, à un moment ça suffit, quoi. Il faut qu'il y ait du show au badminton, sinon ça ne prendra pas. Et nous, on a vraiment la même vision avec mes amis qui ont déjà leurs académies. Et moi, je suis complètement en phase avec ça. Et donc, ça serait créer une salle bah, de très grande qualité à Bali et créer une communauté autour de ça. Mais ça va prendre du temps, je le sais. C'est pour ça que c'est une vision et une mission. Et pour l'instant, ouais, dans le fait de jouer, le fait de jouer, moi, le côté joueur, j'ai passé le cap. J'étais très content de faire ce tournoi, mais je le sens aussi que physiquement, mes genoux, ils tiennent pas. Là, je sens que je vais mettre des semaines, enfin des jours ou peut-être des semaines à m'en remettre des douleurs au cartilage. Donc non, c'est, je prendrai pas de plaisir. Là aujourd'hui, si je devais jouer aujourd'hui, par exemple, je sais que j'aurais trop peur. J'aurais trop peur, je pourrais pas jouer normalement, je vais me faire mal, c'est pas plaisant. J'ai envie de construire des joueurs, voir des joueurs réussir et aller plus loin derrière avec le badminton pour faire bouger ce monde qui est pour moi un peu trop sclérosé. Je suis assez d'accord avec ça, et en tout cas, de voir, c'est vrai que ça fait un peu rêver ce que tu dis comme projet pour le bad. Et ben en tout cas, merci Brice d'être venu, c'était très cool. Ben avec grand plaisir. Les gars, continuez comme ça avec vos podcasts. C'est bien, plus on est de monde en ligne, mieux c'est pour le badminton, parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est en ligne. Donc, donc il faut qu'on continue. Vous, c'est bien de développer le podcast. Je vous inviterai sans doute un jour sur Badminton Révolution pour partager un petit peu votre parcours à vous, hein, pourquoi vous avez ouvert un podcast sur le badminton, comment vous avez fait, d'où vous venez. Tout ça, ça va intéresser aussi les élèves, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, moi, ma mission aussi, donc c'est évidemment de les guider sur le côté badminton, mais c'est un peu une excuse pour essayer d'aller les chercher aussi plus en profondeur sur le côté mindset et le côté de révolutionner d'autres choses que le badminton. Moi, c'est pour ça vraiment que j'ai appelé ce programme Badminton Révolution, c'est parce que je souhaite créer des déclics chez mes joueurs, et les plus beaux déclics que j'ai pu avoir, c'est dans les quatre premiers joueurs que j'ai suivis en ligne. Il y en a deux qui ont arrêté leur travail et qui m'ont dit, mais en fait, t'as changé ma vie. Et là, j'avais un peu peur parce que moi, c'était mes premiers suivis en ligne, et je les ai revus là aux Jeux Olympiques. Les deux ont adoré leur changement de voie professionnelle en fait dans la vie, et ça, bah, c'est encore un plus grand kiff que juste de changer un coup technique, où là déjà je prends du plaisir, mais quand quelqu'un change de vie et qu'il se sent beaucoup mieux dans sa nouvelle vie, c'est exceptionnel. Donc c'est vraiment le côté mindset que j'adore mettre en avant à travers mes leçons ou mes séances individuelles. Bah trop cool, bah je pense parler au nom de Benoît et moi pour dire qu'on viendra avec plaisir. Merci beaucoup. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. Un grand merci à Brice pour sa disponibilité. On tenait également à remercier Rémi qui a rendu cette interview possible. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager ou à venir en parler sur notre serveur Discord ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de l'Arctic Open qui marquera le coup d'envoi de la tournée européenne. À la prochaine!绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。